encore. On y m'a on avait fait tout ça now. Ou t'es venu en mandé au pardon. Pas sans laisser au dormi tout c'est là. Ou sans griffer ou en mode ou moins. Elle s'en pète chez now. Ou chigé moi mais ouvre rouge. Les moyens d'y ou fermé. Vous carré fils et des yadous. Si vous bisez moi moins fou. Fille histoire en nous en sur. Si à on fil y. Kaken, c'est toujours moi qui n'y en souci. Dans moula ni en goût. Si gré bien nous pas foutre. Si même un petit coup de fil. Aïe. La la la la la la la la la la. Ou toujours venu le dernier mot avait ouvert pas les pi fort moyen pas j'ai fait ça qu'il faut et vous pas j'aimais ni tort qui j'en fais pour tomber malade en folle et pour voyage là ça vous pas d'accord encore et les larmes de crocodile et toute la panoplie si vous écoutez au palais c'est moi qui s'est pli gros saloperie évidemment pas déterrer des dossiers qui j'enfouis ou bon et moi un bon avec aussi la la la la la la la la la la. Et à chaque fois c'est la gaine ou pas j'ai qu'à propre précaution. C'est caractère de merde contre caractère de cochon. Ou qu'à inventer moins vie avec n'importe qui femme au champ. Donc tant qu'à répondre vous qu'est ou qu'à offert ou pis offrant. Des fois pas qu'à dire aïe mais en dit d'un qu'à hélé. Ou qu'à rentrer en crise si moins pour un soulier qu'à traîner. C'est moins qui pas bon, moins qui mauvais, moins qu'à exagérer. Pourquoi nous ensemble encore si son nous jacelé. La la la la la. La la la la la. Est-ce qu'à songer, ballon dit fait et calime. En te cacaline, ou comprends moun pas saf caline. En te moun awe, ou te moun awe, nous tombe d'amour. Nous t'es dans le bain, nous tout partout nous. T'es main dans la main, nous t'es vraiment fou, nous t'es vraiment bien. Tout ça attirance, nous t'es qu'à communiquer sans parler en silence. On dit mélodie, et puis on dit danse. Marcher en bas la pline, faire prudence. Nous pas t'es qu'à sortir des wars sans faire un selfie. Nous fait des soirées cinéma sans faire un selfie. On t'es tellement malade, ou qu'est bah on fait la bagarre. On t'es paiement, si bah voilà la barre. On t'es tellement malade, ou qu'est bah on fait la bagarre. On t'es qu'à prévoir des bas ou bagarre. La la la la la la la la.